Mysterio, Gataga, Jali Tototo, tellement sale t'écoutes notre son, t'es obligé de refaire l'auto. On veut que les hébètes on redira ma volonté. Faut que ça tourne à toute patate comme un raté à volodé. Mais tes feux de détresse, là c'est HLM 13. On va jamais à manger, pas comme Valérie Pécresse. Tu veux remplir la caisse, remplis une puce de S Masta. Plus de neige qu'en Alaska, viscère les starts à Insta. Pour moi et j'arde un rasta, mais un million et j'rase tout. J'me refais sur une asba, dans tous les cas on casse tout. Mentalité m'garba, firat roulad l'houma. كنعرفو غير الرجولة ماشي بحالكم نتوما اون فاصادي جامع عامد دول ضعاك ساكوما صالا فوما لا جالوزي سا بو تيي سي كوم فومار اي دو غيبي فالوزيل جوسكا ار دي ال نو سولدا اونتخ سيني لا عيو على سي دي سيكيلي اون نوفا كوم دي كوباي سوف كون سي نو ميم دي سيكي كي مونج تو سول سي توف تو سول بارتاج كوسكوس سا تشيكي كون تا ترو كوتي لا حاس لو بونير سي بلو سافوري بوكو كرو بيز لا عيو مي سي ال كي لي زافوري بوري جبيوت كوم ان شوفار شو بور توت لي زيجو فوري جكونيك دي ديلور دي شفار مي جو تري بيان انتوري. C'est pour les rats de la ville qui vont jamais quitter le navire. Je vois les échelons comme des obstacles, obligé de les gravir. Millions d'euros en ligne de mire, Patek Philippe et Audemars. Présumé coupable mais on veut pas finir, enfermé comme un Tadomar. Millions d'euros en ligne de mire, Patek Philippe et Audemars. Présumé coupable mais on veut pas finir, enfermé comme un Tadomar. Même plus, toi t'es même pas encore parti. Mystérieux, toujours le best, c'est ce que ma diff m'a dit. Lundi au 5 t'as la chapelle, mardi au 5 tu mets à pitch. Si le procureur fait appel, jamais tu nous reverras pitch. Bah ouais, les concurrents, je les wet en une punchline comme Jalito. Parfois tu crois observer des mouettes, mais c'est des corbeaux alpines. Même dans le ying, il y a le yang, mais les miens s'en battent les yucks. Ils préfèrent braquer des banques que de finir aux oubliettes. Sur mes blessures, y'a pas de bandage, number one dans les sondages. J'suis quand même pas bé, pas bien, non, c'est pas une question d'âge. Ils parlent de WAM, ils parlent de nous, ils essaient de faire du boycottage. Qu'ils essayent d'arrêter you, ça va se finir en prise d'otage. Ensuite, je présume coupable comme tous les mecs de rue. Puis j'enchaînerai dans ma grotte, MDR de t'as vu. Après avoir été le prince, je deviendrai le grand méchant you. Dans la HLM, hasta la moelle, et on va mouiller le million maillot. Millions d'euros en ligne de mire, Patek Philippe et Audemars. Présumé coupable, mais on veut pas finir. Enfermé comme un Tadomar.